Dance Floor Music. Keep it locked. Fun Radio. Le son Dance Floor. Tell me something I need to know. Then take my breath and never let it go. If you just let me invade your space, I'll take the pleasure, take it with the pain. Soyez les bienvenus sur Fun Radio, on va se réveiller ensemble jusqu'à 9h. C'est Summer Fun qui démarre. Montez le son. Fun. Solde en électroménager chez Kitchen Market. Lave-vaisselle, sèche-linge, frigo pour moins de 350 euros. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Bon début de semaine et de ce journée aussi sur Fun Radio. Il est 6h et comme chaque jour à 6h, on s'informe avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Anto, bonjour à tous. La SNCB a transporté ce week-end quelques 45 800 estivants vers Ostend, Blankenberg, Knokke et La Panne, tandis que les hôtels affichaient des taux d'occupation de plus de 90%, voire complet, en ce premier week-end véritablement estival. À Blankenberg, les hôtels étaient même à un tel point saturés, au point que la commune a dû téléphoner à d'autres endroits pour trouver des chambres. Ce week-end est le premier de l'année à avoir vu s'envoler les températures après une longue période pluvieuse. C'est cela qui a sans doute contribué à attirer la foule. L'auteur de la tuerie de Dallas avait planifié d'abattre des policiers bien avant la mort des deux noirs sous les balles des forces de l'ordre dans deux autres états américains et avait d'autres projets dévastateurs. Micah Johnson, qui a tué jeudi à Dallas 5 policiers, en a blessé 7 autres, avait bel et bien d'autres projets en vue au vu de l'arsenal de guerre retrouvé chez lui. La police en a fait retrouver à son domicile du matériel pour fabriquer des bombes, des fusils, des munitions et un carnet tactique de combat. Il avait planifié sa tuerie bien avant la mort des deux noirs en Louisiane et dans le Minnesota la semaine dernière. Fun Radio Sport, la Belgique est devenue championne d'Europe du relais 4 x 400 mètres messieurs des championnats d'Europe d'athlétisme hier à Amsterdam. L'équipe belge composée de Julien Watrin mais aussi des frères Jonathan, Dylan et Kevin Borlée s'est imposée devant la Pologne et la Grande-Bretagne. Le relais 4 x 400 mètres clôturait l'Euro 2016 que la Belgique quitte avec 3 médailles. Thomas Varne-Platsen avait été sacré champion d'Europe du décathlon et Philippe Milanov a décroché également l'argent au lancer du disque samedi. Ce second titre européen du relais 4 x 400 mètres messieurs après l'or à l'Euro 2012 à Helsinki porte à 30 le nombre de médailles belges décrochées à l'euro et 9 le nombre de médailles d'or belges. Et puis si je vous dis 6-4-7-6-7-6, et bien c'est Andy Murray, deuxième joueur mondial qui depuis 2013 rêvait de revivre le bonheur unique pour un Britannique en finale du tournoi de Wimbledon. Il n'a donc pas dû attendre que 3 ans pour réaliser ce rêve. Comme il y a un mois, jour pour jour, presque sur l'herbe du Queen's, il a en effet dominé le Canadien Milos Raonic chez les dames. L'américaine Serena Williams a remporté sa 7e victoire à Wimbledon en battant l'allemande Angélique Kerber sur le score de 7-5 et 6-3. C'est le 22 deuxième titre de la numéro 1 mondiale, qui rejoint désormais l'Allemande Steffi Graf au nombre de tournois remportés. Fun Radio, à l'heure de l'Euro. Le Portugal sur le toit de l'Europe. La France se réveille ce matin avec la gueule de bois après la défaite des Bleus 1-0 hier soir à l'issue de prolongation face à des Portugais qui ont fait montre de beaucoup de caractère, privé de Cristiano Ronaldo, sorti sur blessure après un peu plus de 20 minutes de jeu et qui est ensuite revenu sur le banc pour véritablement coacher son équipe. Le Portugal sort donc vainqueur d'un Euro 2016, somme toute assez décevant au niveau de la qualité du spectacle. Les nouveaux champions d'Europe sont attendus à mi-journée à Lisbonne où un accueil triomphal va évidemment leur être réservé. Fun Radio. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur Volkswagen.be. Dans un instant sur Fun Radio côté Sundance Floor, c'est Madonna ou Cheat Codes qui arrive. On aura également l'horoscope de Coco et puis on parlera de la télé-réalité aujourd'hui. Vous allez voir, on va s'y intéresser. Vous êtes fan ou au contraire vous détestez? Réagissez dès maintenant par SMS au 3044. Et Jeff, pour cette nouvelle semaine qui commence, qu'est-ce que tu te prévois côté météo? Eh bien, il va faire moins beau que ce week-end d'aujourd'hui, avec même des risques d'averse à certains endroits. Le mercure va avoisiner 18 degrés en Haute-Belgique, 19 à 20 degrés à la mer et 21 à 22 degrés ailleurs dans l'intérieur du pays. Et puis de demain à jeudi, le temps va encore être variable avec des averses qui pourront parfois être intenses et accompagnées d'orages. Franchement, on parlait de soleil et de bon temps pour ce week-end, on a bien profité. Hein. Effectivement, mais donc il va falloir de nouveau patienter quelques jours avant de retrouver du soleil. Bah nous c'est bon, on a fait le plein de coups de soleil, donc toute l'équipe est au rendez-vous. Merci Jeff. Le prochain rendez-vous à 6h30 et tout de suite sur Fun Radio, c'est Face et Afrojack. Fun Radio. Les soldes XXL avec en plus le service Krefel, c'est dans nos 75 magasins et sur krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Tous les matins, c'est Summer Fun avec Anto sur Fun Radio. See the look in your face, telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone. Do you think can you live like you want? I know when you're gone. You're just looking for a little sign of love. I said, hey, would you come with me? I said, hey, hey, hey, hey, would you stay with me? I said, hey, hey. Hey, would you come with me? I say hey, hey, hey, hey. Would you stay with me? I say hey, hey, hey. Merci de démarrer la journée sur Fun Radio. Madonna, c'est ce qui arrive dans quelques petites secondes. Côté son dance floor, juste avant, c'est Cheat Codes avec Sex. Et ça arrive juste après ceci. C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Salut ma coco, comment ça va? Ça va et toi? Mais très bien Coralie, j'espère que le week-end s'est bien passé. Oui, super. On en a bien profité, faut le dire. Ah oui, on a pris quelques coups de soleil. On a pris quelques coups de soleil et on a surtout testé une activité super géniale. On vous en parlera tout à l'heure, oui. Car c'est une grosse surprise que vous faites pour les prochaines semaines. Mais avant ça, nous sommes le lundi 11 juillet, premier jour de la semaine et presque déjà le milieu du mois de juillet. Et oui, nous sommes le 193e jour de l'année et nous entrons donc dans la 28e semaine. Déjà. Comme ça, oui déjà, tout à fait. Nous souhaitons une bonne fête au Benoît avec qui c'est ST, Benoît. ST? ST, oui. Ah, je savais pas. Ça existe. Mais je connaissais pas. Benoît. Oui, je t'assure. Le féminin de Benoît. Oui, tout à fait. Et exceptionnel. Olga. Et Olga, c'est. Ben voilà, Olga. C'est un prénom scandinave. En tout cas, bonne fête à vous, les amis. Oui, sinon, on peut souhaiter un joyeux anniversaire aux stars. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de deux footballeurs français, notamment. Ah, bah ça tombe bien avec la fin de l'Euro hier. Exactement. Johan Gourgouf, qui fête ses 29 ans. Mm-hmm. Et Eric Abidal, qui souffle ses 36 bougies. Deux footballeurs français, donc. Et puis aujourd'hui, Coralie, on termine avec la journée mondiale du jour. Oui, c'est la journée mondiale de la population. Et cette journée, en fait, elle a pour objet d'appeler à l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de la population. Et surtout dans le cadre des pays en voie de développement, etc. Quoi. Donc voilà. Journée mondiale importante. Merci oui. beaucoup, Coralie. Tout on va ensemble parler dans quelques minutes du chiffre du jour. On va parler de télé-réalité aujourd'hui. Tu es fan, toi, ou pas fan? J'aime bien. Entre les deux? Ouais, non, mais ça, en fait, j'aime bien. Ça dépend laquelle, mais il y en a plein que j'adore. Eh bien, on va en parler dans quelques secondes. Vous avez envie de réagir? Vous réagissez avec nous par SMS 3044 encore sur la page Facebook de l'émission Summer Fun. Cheat Code Sex. C'est ce qui arrive. Bienvenue. Wanted to end. Tell me all your dreams in darkest fantasies. Ooh. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. That was unbelievable. I wanna do it again. I'll eat you like a cannibal. You're sweet like cinnamon. Let's talk about Fun Radio. Fun. Fun. Fun Radio. Le son. Le son. Dance floor. Sur Fun Radio, on se réveille ensemble, vous écoutez Summer Fun. Willy William Paris, c'est ce qui arrive dans quelques petites secondes. Yeah. Juste avant ça, Coralie, on vous parle du cadeau de la semaine. Et oui, on a pour vous une tablette aussi grande qu'une télé à vous offrir. Et oui, on vous offre toute cette semaine la Samsung Galaxy View. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi cette tablette? Effectivement, c'est la plus grande tablette jamais conçue sur le marché. Elle a un écran de 18 pouces. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est 47 cm de diagonale. C'est énorme. Donc c'est énorme, c'est la taille d'un grand écran d'ordinateur. Et c'est un cadeau à plus de 600€ et à plein de fonctionnalités. Vous pouvez regarder la télévision dessus, effectivement. Il y a plein d'applications pour les familles. Son écran est parfait, il peut faire des photos, etc. C'est vraiment une super bonne tablette. Donc c'est vrai que c'est difficile à mettre en poche vu sa taille, mais tout des points mais positifs. Mais on peut la transporter. Elle a une petite. Un petit truc pour la prendre, en fait. Une petite housse. Ouais, non, pas vraiment une housse. C'est un truc qui a compris dans la tablette. Et t'as une petite. Comme pour tenir un sac, tu vois. Ah oui, un manche, un lacet, un truc. Une sorte de petit manche pour la transporter où tu veux. Donc elle a que des bons points, cette Exactement. Tablette. Comment faire pour tenter de la remporter? Eh bien, il suffit d'envoyer Galaxy par SMS dès maintenant au 6322. On fera un tirage au sort vers 9h15. Eh bien, on vous attend, en tout cas. On va parler des télé-réalités aujourd'hui, les amis. C'est le sujet du jour. C'est une type d'émission. Souvent qu'on critique, c'est parce que ça suscite beaucoup de réactions, de buzz, ou même de critiques. Et pourtant, ça fonctionne très très bien au niveau audience. C'est le paradoxe entre les deux. Vu qu'on continue à en produire chaque année. Est-ce que vous êtes fan de ce type d'émission? Est-ce que vous ne supportez pas au contraire les téléréalités? Venez en discuter avec nous ce matin. Et comment faire pour venir discuter avec nous? Toutes les connexions sont bonnes pour venir réagir. Oui, tout à fait. Vous pouvez d'abord vous connecter sur le Facebook, c'est Summer Fun. Vous pouvez nous envoyer des messages, on les lira à l'antenne. Ou alors par SMS au 3044. Ou pour voir les coulisses de l'émission, c'est sur le Snapchat Fluvius Radio. En plus, Snapchat, on est tout le temps présent. Oui, vous allez pouvoir voir tout ce qu'on fait également après l'émission. Ça se passe sur Fluvius Radio. Je vous attends. Côté son dance floor, c'est Axwell et Nicroso qui arrivent dans quelques secondes. Juste avant, c'est Willy William, Chris Cab avec Paris, 6h19. Bienvenue sur Fun. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées. Un RDT sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Direction Paris, Coralie. Je suis d'accord. Allons-y, c'est parti. Dans un instant sur Fun Radio, c'est les DJ Axwell et Sébastien Grosso qui arrivent. Thinking About You, le tout avec l'accent. Thinking About You, c'est ce qui arrive. Bonne ou mauvaise nouvelle, comment va se passer votre journée? C'est l'Héroscope sur Fun Radio. Et on commence avec l'Héroscope du jour. Coco, tu as consulté les astres, oui. Et on commence avec les béliers. Pas de problème à signaler, du moment que vous le désirez, tout peut arriver. Ça c'est vrai, dans la vie, dès qu'on veut, on peut. Tout à fait. Les taureaux. Le trot est votre choix du moment, vous n'irez pas par quatre chemins pour arriver à vos fins. Les gémeaux. Vous saurez comment vous y prendre pour relancer la roue de l'amour. On continue avec les cancers. Un rien vous contrarie, soignez vos nerfs. Les lions. Vous n'avez pas de temps à perdre sur le plaisir d'être en couple, alors sautez et ne réfléchissez pas. Et comment ça se passe du côté des vierges? Soyez clair et précis dans tous vos propos, ne laissez aucun flou générer des problèmes. Mais ça c'est vrai, la communication c'est la clé du couple et des situations, les balances. C'est vrai, investissez-vous et soyez à l'écoute. Les scorpions, Coralie. Des erreurs de jugement pourraient se glisser et vous desservir. Ça c'est sûr, les sagittaires. Vénus, Uranus et Jupiter vous donnent tous les moyens possibles et inimaginables pour parvenir à votre summum. Les capricornes. Vous ressentez tout de travers, votre partenaire n'en peut juste plus. Et puis je vais m'intéresser un peu au Verseau parce que c'est mon signe. Vous pourriez blesser votre moitié en ne tenant pas assez compte de ses désirs. Ça par contre c'est pas drôle. Et on termine avec les poissons. Une vague romantique arrive et les astres vous demandent de l'exploiter. Merci beaucoup Coco, on parle de tout ça évidemment dans la suite. Le chiffre du jour, 8000, à quoi ça peut correspondre? On en parle d'ici quelques petites secondes, n'hésitez pas à réagir dès maintenant par SMS 3044. Axwell Ingrosso, c'est ce que je vous balance maintenant. 6h24, vous êtes sur Fun. Vous êtes sur Fun Radio, vous écoutez Summer Fun et on est ensemble jusqu'à un peu plus de 9h, 9h15, allez c'est la suite du programme. Souf, mi amor, c'est ce qui arrive. Et c'est juste après ceci sur Fun. Une assurance directe, c'est vraiment direct. J'ai eu un accrochage dans une bretelle d'autoroute. La première chose que j'ai faite, c'est les appeler. Donc j'ai appelé Corona Direct, où j'ai eu une charmante dame au téléphone. Ils ont été super sympas parce que la première chose qu'ils m'ont dit, c'est de ne pas m'énerver. Et cette dame m'a dit directement, voilà, on va ouvrir un dossier. Et 5 minutes après l'accrochage, j'avais déjà un numéro de sinistre qui était déjà dans leur serveur chez eux. Eh bien, le direct de Corona Direct, ça veut dire pour moi, vous avez quelqu'un directement au bout du fil. Réponse directe et résultat direct. Corona Direct, directement assuré, directement assisté, directement remboursé. Ultrasport.be. Ah, la publicité radio, c'est formidable. Dans la publicité radio, tout est meilleur. Même quand les comédiens font semblant de manger. C'est bon. C'est quoi? Oui, les comédiens ne peuvent pas manger en studio, hein. On comprendrait pas ce qu'ils disent. Bref, la publicité radio, c'est formidable. Alors surfez sur ultraspot.be, votez pour votre spot favori et gagnez de super cadeaux. Ultraspot.be. Votre classement du meilleur de la pub radio. Formidable. Fun Radio. It feels good in my heart, in my soul when you're right here beside me. I don't ever want this day to end. We can watch the waves, have a coke and just sit here beside me. I take a little of my heart again. So we can feel forever, yeah, feel together, be real together and no one can stop. Make it easier to sing, yeah. Make it easier to sing, yeah. on the shore and our hearts are jumping. I grab another Coke and let's dive in. Forever you feel, together be real, together and no one can stop. We like this and feel nothing can ever bring me down. Make it easier to sing. Make it easier to sing, yeah. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. Ces faits et gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie que j'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes, tu reviennes. Tu sais, je ne suis qu'un homme, des erreurs j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, m'aimes, que tu m'aimes. C'est la vie, j'ai trahi et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille et dans la nuit, je vois que tu souris. Je t'en prie, tu as le plus beau des chats. T'avais raison, c'est comme ça que je t'aime. Mais tes souvenirs me hantent. La nuit dans mon sommeil, j'en deviens somnambule. Et je t'avais pris pour acquise, tu m'as tourné le dos. J'avais cru soumise, mais ces mots sonnent faux. Et quoi qu'on en dise, je suis ton héros. Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis. C'est la vie, j'ai trahi et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille et dans la nuit, je vois que tu souris. Je t'en prie, tu as le plus beau des chats. Que vous soyez en Belgique, on se réveille ensemble sur Fun Radio, il est 6h30. Fun. Fun Radio. Et à 6h32, on s'informe avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Anto, bonjour à tous. Le nombre d'indicateurs énumérés de la police a augmenté ces dernières années, suivant un rapport annuel sur les méthodes d'enquête de la police publié par le SPF Justice. Quelques 824 primes ont été payées à des indicateurs en 2014 contre 796 en 2013. Dans plus de 6 cas sur 10, le recours aux indicateurs se faisait dans le cadre de dossiers de stupéfiants. Les indicateurs ont permis de contribuer en 2014 à 1526 arrestations, avec à la clé la saisie de plus de 500 véhicules, près de 600 armes, plus de 4 millions d'euros en cash et environ 7 tonnes de stupéfiants. Les écoutes téléphoniques ont aussi augmenté en 8 ans. Le nombre a été multiplié par 3. La SNCB a transporté ce week-end quelques 45 800 estivants vers Ostende, Blankenberg, Knokke et La Panne, tandis que les hôtels affichaient des taux d'occupation de plus de 90%, voire complet en ce premier week-end véritablement estival. À Blankenberg, les hôtels étaient même à un tel point saturé au point que la commune a dû téléphoner à d'autres endroits pour trouver des chambres ce week-end. Et le premier de l'année à avoir vu s'envoler les températures après une longue période pluvieuse, ça a sans doute contribué à attirer la foule. Plus de 6 sociétés sur 10 dans le milieu de la construction et qui ont été contrôlées en 2015 étaient en infraction sociale. La large majorité des fraudes sont relatives à un formulaire qui permet de détacher des travailleurs en Europe et d'assurer que les cotisations sociales soient payées dans leur pays d'origine. Il est actuellement très compliqué de vérifier si les cotisations sociales des travailleurs détachés en Belgique ont été réellement payées. 19 000 emplois ont été supprimés depuis 2012 et 45 000 sont menacés. Dans le reste de l'actualité, 2 séismes de forte magnitude se sont produits hier en Équateur, pays qui avait subi en avril un tremblement de terre très très meurtrier. Selon les autorités équatoriennes, les secousses n'ont pas justifié une alerte au tsunami et il n'y avait pas dans l'immédiat d'informations sur les victimes ou les dégâts. L'épicentre se situe à 154 km au nord-ouest de Quito, la capitale équatorienne. Provincia proche d'Esmeralda, localité qui avait été dévastée par un séisme le 16 avril. Ce tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 avait officiellement fait quelques 700 morts et près de 29 000 sans-abri. Fun Radio Sport, Tour de France, le Français Tom Dumoulin s'est imposé dans le déluge hier en solitaire à Andorre. Le Britannique Chris Froome, qui avait endossé le maillot jaune samedi, a conservé le maillot leader, alors que l'Espagnol Alberto Contador, cité parmi les favoris, a abandonné. Fun Radio, à l'heure de l'Euro. Le Portugal sur le toit de l'Europe. La France se réveille avec la gueule de bois ce matin après la défaite des Bleus 1-0 hier soir à l'issue des prolongations face à des Portugais qui ont fait montre de beaucoup de caractère. Privé de Cristiano Ronaldo, sorti sur blessure après un peu plus de 20 minutes de jeu, qui est ensuite revenu sur le banc pour véritablement coacher son équipe. Le Portugal sort donc vainqueur d'un Euro 2016, somme toute assez décevant au niveau de la qualité du spectacle. Les nouveaux champions d'Europe sont attendus à mi-journée à Lisbonne, où un accueil triomphal va leur être réservé. Dans un instant sur Fun Radio, côté Sun & Floor, j'ai pour vous le duo Chris Cab et Youssoupha avec Badabing. On parlera également du chiffre du jour et enfin un point sur vos conditions de circulation. Juste avant, Jean-François, qu'est-ce que tu nous prévois côté météo pour les prochaines heures? Il va faire moins beau que ce week-end dans tout aujourd'hui, avec même des risques d'averses à certains endroits. Le mercure va avoisiner 18 degrés en Haute-Belgique, 19 à 20 degrés à la côte et 21 à 22 degrés à l'intérieur du pays. Et ça ne s'arrangera malheureusement pas à partir de demain jusqu'à jeudi, puisque le temps est annoncé encore très variable avec pas mal d'averses qui pourront même parfois être intenses et accompagnées d'orages. Aujourd'hui, c'est pas encore catastrophique. C'est moins beau mais pas catastrophique. C'est pas encore catastrophique, mais faut tenir votre parapluie près de vous, parce qu'à certains endroits il peut quand même tomber quelques gouttes de pluie. Eh bien, on va croiser les doigts. Merci Jeff. À 7h, c'est le prochain rendez-vous des infos. Et tout de suite, c'est le Sun & Floor dans Summer Fun avec David Guetta. Fun Radio. Fun. Summer Fun. C'était l'hymne officiel de l'Euro 2016 qui clôture un peu cette session de foot, hein, Coco, vu que c'est terminé depuis hier. Eh oui, malheureusement. On va en reparler tout à l'heure. Chris Cab, Youssoupha, Badabing, c'est ce qui arrive côté Sun and Floor. C'est le chiffre du jour sur Fun Radio. Juste avant, on parle du chiffre du jour, Coralie, c'est le chiffre 8000. Mais alors, à quoi peut correspondre ce chiffre 8000? On vous donne la réponse à la fin de l'émission, mais d'ici là, tentez votre chance. Je donne un indice, évidemment, c'est une émission spéciale télé-réalité, donc 8000, c'est un rapport avec le sujet de la télé-réalité. C'est lundi, bon, il est 6h39, on a un peu de mal aussi. Merci d'être là, en tout cas, de vous réveiller avec nous. Coralie, est-ce que tu as une idée de ce chiffre 8000? Est-ce que c'est le nombre de plans qu'on prend au total sur... sur un tournage d'une émission de télé-réalité. Le nombre de plans, donc le nombre de séquences qu'on peut tourner dedans. Ouais. Pas du tout, non. Est-ce que vous avez une idée? Vous pensez avoir la réponse, mais ça se passe par SMS 3044. J'ai plein de petits indices pour vous. Je vous en donne un premier. C'est une télé-réalité pas très simple. Ah. Voilà, donc ça colle à une télé-réalité qui est pas très simple. Mm-hmm. Je vous en donnerai un peu plus juste après. Franchement, ça va être très dur quand même, mission. Je sais pas pourquoi, non, je le sens. Ça va aller. On a déjà quelques réactions par rapport au sujet du jour qui concerne justement cette télé-réalité. Est-ce que vous êtes fan ou est-ce qu'au contraire, vous détestez, vous ne supportez pas ça? Quelqu'un nous a envoyé un petit SMS. Oui, on a un message d'Emine qui nous dit: j'adore les télé-réalités, surtout Secret Story et Les Anges. Je regarde chaque saison. Eh bien, ce sera l'occasion d'en parler juste après. Merci beaucoup à toi. Vous avez envie de passer à l'antenne, les amis, pour venir justement en parler, qu'on crée un petit débat ensemble. Ça se passe par SMS 3044 ou encore sur la page Facebook de l'émission. Duc Dumont, Chris Cab, Youssoupha, Badabing, c'est la suite du programme. A tout de suite. Hello party people, nous c'est Jules et Tom. Ouais, on a toujours pas réussi à avoir de tickets pour Tomorrowland cette année. Du coup, on a construit le nôtre en maquette. Ouais, genre un mini Tomorrowland avec des figurines de tous les pays. Ouais. Mais tout est là, hein. On a recréé les scènes, le camping, l'espace VIP. Hey, on a même l'hélicoptère qui lance des confettis. Regardez. Hey, prends l'hélicoptère. Ah ouais. Ouais, les confettis. Ouais. Pas dans la bouche, Tom. Ah, pardon. Tu préfères le vrai? Tente de gagner une expérience Tomorrowland exclusive et le jackpot loto avec l'auto surprise. Dis, la Suzy de la boulangerie a encore fait très fort. Non. Tu te souviens, elle avait réservé un vol sur thomascookairlines.be. Oui, alors? Alors, elle est rentrée avec un maître nageur espagnol. Oh, c'est pas vrai! Qu'est-ce que tu fais? Bah, je réserve aussi un vol sur thomascookairlines.be, tiens. Réservez votre vol à partir de 49,99€ sur thomascookairlines.be et envolez-vous au soleil avec nous. In the summertime, faut passer chez Hyundai. On y va à fond avec les Summer Big Deals. Nos véhicules de stock à prix vraiment, vraiment très, très, très réduit. Cet été, passez chez Hyundai et profitez de réductions allant jusqu'à 35% sur plus de 400 modèles de stock. Surfez vite sur Hyundai.be car les plus rapides seront les premiers servis. Infos et conditions sur Hyundai.be. Hyundai. New thinking, new possibilities. Fun. Sur la plage. Radio. Vous écoutez Fun Radio. I love Fun Radio. International et la connexion. Chris Cab. Youssoupha est dans la maison. Devant. Bipa da Big Nan. Les filles, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. J'ai dit, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. Friday night went on way too long. I woke up in a stranger's home. I had some other agenda. After six shots of De Leon, more like 13. You know that girl really turned me on. Faire fort, finir friqué, entouré de briques et l'amour est fabriqué. Je brise en bling bling grâce au public et c'est briqué. J'ai gardé la vista, ma vie est un fist

vous réserve dans quelques secondes Imani et Don't Be So Shy pour le son de... côté son dance floor. Décidément, ça va être très ça drôle aller, aujourd'hui. Mais aller, oui. Yes. Un problème sur la route, Summer Fun est là pour vous. C'est l'infotrafic sur Fun Radio. À 6h49, on fait un point sur les conditions de circulation. Jeff, que se passe-t-il en Belgique? Eh bien, des ralentissements sur la E40 de Bruxelles en allant vers Gand. Si vous prenez la direction de la côte ce matin, vous risquez donc d'être quelque peu ralenti. Pour le reste, tout va bien sur nos routes. Et vous aussi, ayez la Fun Solidarité, les amis. Vous voyez quelque chose sur la route, un accident ou un objet encombrant, dites-le nous par SMS au 3044 qu'on partage tout ça à la Fun Family. Merci beaucoup, Jeff. On te retrouve tout à l'heure. On parle, Coco, aujourd'hui de la télé réalité oui. Et surtout des différences pour l'instant des téléréalités, parce que oui, il en existe de toutes sortes. Il y a par exemple Secret Story qui est comment on pourrait appeler ça, un divertissement passif, hein, où on est juste devant et on regarde sans rien faire, sans réfléchir. Et puis de l'autre côté, on a aussi Pékin Express ou Top Chef, ce genre de programme. Ouais, un peu plus développé. Un peu plus développé, où on comme dans Top Chef, on peut considérer ça comme une télé-réalité finalement, oui, parce que les candidats sont en compétition de semaine en semaine. Comme The Voice. Comme The Voice, effectivement. Pékin Express, alors pour ceux qui ne connaissent pas, comment on pourrait décrire Pékin Express? C'est des groupes de deux personnes, il me semble. C'est un jeu d'aventure qui part à l'autre bout du monde et qui ont des petits défis avec peu d'argent, voire pas d'argent. Ouais, exactement, ils doivent se débrouiller par eux-mêmes, effectivement, c'est très très intéressant. Et Top Chef, en quelques lignes? Top Chef, c'est un concours de cuisine en fait où plusieurs candidats s'affrontent et au final il en reste qu'un. Voilà. Et donc Top Chef, un peu comme Masterchef sur TF1. Exactement, ou comme la même chose. Cauchemar en cuisine, mais le meilleur pâtissier. Le meilleur pâtissier aussi, voilà, c'est la même chose. Et donc ça, c'est les différences de télé-réalité. Est-ce que vous avez une préférence pour l'un, pour l'une? Si vous êtes par exemple fan de télé-réalité, on a eu quelques réactions d'ailleurs, on va les lire jusqu'à 9h. Venez en parler avec nous aujourd'hui dans Summer Fun, ça se passe jusqu'à 9h. Dans un instant, c'est Sac Noël qui arrive et Imani avec Don't Be So Shy. Bon réveil. Party all night, all summer. Fun. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique, c'est sur Fun Radio. Fun Radio. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Celle-là est très bien. Allez-y, on la prend. Parfait, madame. Attends, tu crois, moi j'aurais voulu un écran tactile avec GPS intégré. Ah, passe-moi ton smartphone. Vous auriez de l'adhésif pour fixer ça au tableau de bord. Chez Peugeot, cet été, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés, disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Fun Radio. Fun Radio. Je ne veux plus de ton amour.